Réponse numéro 10. Il y a deux conditions à cela. La sincérité envers Allah et la conformité à la sunna du messager d'Allah, qu'Allah lui accorde éloge et salut. Source, tirée des paroles de plusieurs grands savants de l'islam. Huma shartan ithnani, al-ikhlasu lillah, wal-muwafaqatu li sunnati rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Al-masdar, مأخوذ من أقوال عدد من علماء الإسلام